ma grand-tante. Mainte beauté que je vois demande au siècle où nous sommes comment éloigner les hommes. Et mon Dieu, regardez-moi. Eugène Scribe. Elle n'a pas toujours été vieille, ma grand-tante, comme vous pouvez bien le penser, mais en compensation, elle a toujours été méchante. Et cette qualité ayant porté tort aux autres, ma grand-tante avait atteint l'âge de 75 ans sans trouver un mari. Ma grand-tante avait une foule de neveux, de nièces, de parents de toute espèce, qui, à la première génération, qui, à la seconde, qui, à la troisième, qui, à la mode de Bretagne. On aurait dit qu'il en sortait de dessous terre des parents. Une vraie fourmilière, quoi. Outre cela, ma grand-tante avait encore un frère, mais à l'époque dont je vous parle, je ne le connaissais pas. Il était en tout son opposé. C'est le plus bel éloge que je puisse faire de lui. Mon oncle vivait seul, retiré dans une charmante habitation située dans la vallée de Montmorency. Différent d'opinion comme de goût, elle, vieille fille, noble, légitimiste, lui, soldat d'Austerlitz, bonapartiste. Ses deux parents ne se voyaient jamais. Revenons à la fourmilière. Tout ce monde lui faisait la cour à qui mieux mieux, on l'adorait, fallait voir. Chacun sollicitait le bonheur de passer ses jours auprès d'une aussi excellente tante, moi, tout comme les autres. J'en rougis, mais enfin ce qui est fait, je fus choisie. Ah, croyez-moi, le plaisir de faire enrager une foule de cousins et cousines, qui tous séchaient sur pied de la préférence qu'on m'avait accordée, ne valait pas, je vous l'assure, tout ce que je souffrais chez ma grand-tante Abigail. Sur quoi je ferais un livre entier, si je voulais, jugez-en. D'abord, sachez que ma grand-tante avait 75 ans, un asthme et 100 000 livres de rente. Et moi, j'étais jeune, peu jolie, je crois, mais aimable, mais spirituelle. Cela, on me le répétait tant de fois, on me croyait héritière universelle de ma grand-tante, qu'il y aurait eu mauvaise volonté de ma part à ne pas le croire, et je le croyais. Hélas, ma jeunesse est passée au coin du feu de ma grand-tante. Ma beauté, si tant est que je sois belle, s'est fanée à la fumée de ses cheminées. Car vous saurez que toutes les cheminées de la maison fumaient. Elle aimait cela, la vieille fille. Et mon amabilité, mon esprit, mes talents, étaient employés toute la journée à inventer des contes, sous le titre d'histoire véritable, pour amuser les soirées de ma grand-tante. Ah! Si ma grand-tante n'avait pas eu 75 ans, un asthme et 100 000 livres de rente. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous tracer le portrait de Mademoiselle Honorée Prudence Clémence Abigail de Maugis, ma très respectable grand-tante, portrait dont j'ai là en face de moi l'image frappante dans un cadre de bois peint. Demain, sans faute, je le ferai monter au grenier. Ma grand-tante était d'une taille fort élevée, et tellement fière de cet avantage, qu'elle se tenait raide et droite, ne voulant point en perdre une ligne. Aussi professait-elle un dédain très prononcé pour les gens moins favorisés qu'elle de ce côté. Jadis, ma grand-tante était blonde, mais des taches de rousseur sans nombre avaient altéré l'éclat de son teint. Je me souviens fort bien que de mon temps, on distinguait à peine la couleur de sa peau, dissimulée qu'elle était sous une couche brune et épaisse. Joignez à cela de petits yeux gris, un menton qui avançait, un nez énorme formant alliance avec le dit menton. Puis, ajoutez à cet assemblage une coiffure en l'air avec un chignon de cheveux couleur de filasse, un jupon blanc le dimanche, sale les autres jours, un casaquin, pareil, subissant la même modification, puis encore un tablier gorge de pigeon, des poches sur les hanches, et vous aurez trait pour trait, mais à s'y méprendre, mais à dire « la voilà !» si par hasard vous la rencontriez dans la rue ou sur les boulevards, le portrait fidèle de ma grand-tante. Ah, si ma grand-tante n'avait pas eu 100 000 livres de rente, un asthme et 75 ans. Certes, ce que je vous dis là, je lui l'eusse dit à elle-même, au lieu de la flatter ainsi que je le faisais, ce dont bien me repens sur ma parole. Imaginez, qu'avec sa voix aigre, elle criait après moi toute la journée, et dans un ton de fausset si désagréable que j'en ai mal au nerf rien que d'y songer. Puis, comme sa vue était très mauvaise, elle ne pouvait faire un pas sans mon secours, pas même passer d'une pièce à une autre. Jugez donc, lorsqu'il lui prenait fantaisie de faire une promenade d'une ou deux heures dans tous les appartements, mon pauvre bras. Elle s'y appuyait d'une façon si forte que le moule de sa main sèche y était quasi empreint. Oh, si ma grand-tante n'avait pas eu 100 000 livres de rente, un asthme et 75 ans. Je vous dirai encore que si ma grand-tante avait la vue mauvaise, en compensation, son ouïe était extrêmement fine, si fine que je ne pouvais dire un mot, si bas qu'il fût, sans qu'elle ne l'entendît, ce qui, vu mon caractère, tant soit peu enclin à la raillerie, m'attirait des réprimandes, des exhortations, à n'en plus finir, sur le danger de se moquer des gens. Encore si c'était tout, mais hélas, je n'en étais pas quitte à si bon marché. Ma grand-tante, qui s'ennuyait toute la journée, voulait absolument que je l'amusasse. Et citez-moi, je vous prie, une chose plus ennuyeuse au monde que d'amuser une personne ennuyeuse qui s'ennuie. Moi, je n'en connais pas. Or, ma grand-tante avait un goût très prononcé pour mes contes, singulier goût en vérité, que toutefois je voudrais bien vous faire partager, si je pouvais, et il lui fallait, bon gré mal gré, deux contes, ou pour mieux dire, deux histoires véritables par jour. Car, marchant sur les traces des fameux historiens, je lui donnais compte pour histoire. Voyez-moi donc, pauvre créature bornée s'il en fut, obligée de me creuser le cerveau pour inventer chaque jour quelque histoire nouvelle, encore si ma grand-tante n'avait pas eu de mémoire, et qu'on eût pu lui répéter 2 ou 3 fois de suite les mêmes choses. Cela aurait été charmant. À ce propos, je me souviens d'une amie de ma mère, excellente femme du reste, qui passait sa vie à faire des romans en province, et, du temps de cette dame à ce qu'il paraît, les cabinets de lecture n'avaient pas tous les jours quelque chose de nouveau à offrir à leurs abonnés, et en cela je vous ferai observer combien la jeune France a gagné de ce côté. Tournez la tête, regardez à droite et à gauche, voyez que d'œuvres, que de livres, que de jeunes auteurs déjà fameux dans les fastes de la renommée. Les nommer serait leur faire injure. Et puis, leur nom, écrit en gros caractères, garnit toute la devanture des boutiques de librairie. Tous les jours, ce sont de nouveaux noms, de nouvelles œuvres, des titres plus piquants, plus extraordinaires, plus terribles que jamais. Des titres à vous émouvoir, rien que de les prononcer. Que serait-ce donc en lisant les ouvrages? Du sublime, pour le moins. Sans compter que les dames s'en mêlent elles aussi, et que sans vanité et camaraderie de sexe à part, elles font des choses charmantes. Voyez mes livres. Ah, j'oubliais, je ne fais pas de livres, moi. Donc, pour en revenir à cette amie de ma mère, elle avait depuis longtemps épuisé tout ce qu'un mauvais cabinet de lecture de province peut offrir, et elle ne manquait jamais de recommander à sa femme de chambre de dire « Madame veut du nouveau ». « En voici », répondait hardiment une petite fille de 15 ans, fort précoce pour son âge. Et ce livre, qu'on envoyait avec tant d'assurance, avait été lu au moins 10 fois par la dite amie de ma mère, la pauvre dame. Ce n'était qu'arrivée à la fin du 5e volume qu'elle se hasardait à dire « Mais, mademoiselle, il me semble que j'ai déjà lu cela. » « Madame se trompe, » répondait la petite fille, et la dame le croyait. Hélas, ma grand-tante ne ressemblait point à cette dame, et lorsque par hasard, par malice ou par ennui, j'entamais un récit déjà raconté, ma grand-tante Abigail se redressait. Haute et sèche, sur son grand fauteuil, elle se pinçait les lèvres, prenait une énorme prise de tabac, puis elle me disait gravement « Petite, tu m'as dit cela, tel mois, tel jour, telle heure, il faisait nuit, ou il pleuvait à verse, etc. » Oh, elle avait une fameuse mémoire, ma grand-tante, c'en était désolant. Ah, si ma grand-tante n'avait pas eu 100 000 livres de rente, un asthme, et 75 ans. Mon martyre ne finissait pas là, vous allez voir. Tout exprès, je crois, pour mettre ma patience à bout. Ma patience, je ne sais en vérité comment j'ose me servir de cette expression, car vous saurez que la patience n'est pas ma vertu favorite. Revenons. Ma grand-tante avait une passion, mais une passion dont on rencontre un bien rare exemple dans le monde, pour un animal domestique vulgairement nommé chatte. Mais avant de passer outre, et pendant que je suis en train de faire des portraits, je vais, si vous le permettez, tracer celui de Minette. Ainsi se nommait la chatte de ma grand-tante. Un chapitre encore pour celui-ci, ce n'est pas trop.